Bonjour. Cette chanson est la première chanson écrite par Clémentine. Les paroles, en tout cas. Tandis que la musique est de moi. Voilà. Donc, merci de votre attention. Et surtout, soyez indulgents. Merci. Une petite crique sur grand balcon. La chanson du dimanche en fond. Il pleut, hein. Des Doritos croustillants devant le soleil couchant. Une crique des Doritos, un vendredi amer. Doritos, Doritos, crique, crique, Doritos, Doritos, crique, crique. Une crique des Doritos, j'aime bien la crème épaisse. L'odeur de la merguez sur un lit de crème anglaise. Je croule sous la bouffe. Je m'en vais revoir ma mousse. Des Doritos, un vendredi amer. Doritos, Doritos, cric, cric. Une crique des Doritos, j'aime bien la crème épaisse. Une crique des Doritos, un vendredi amer. Doritos, Doritos, cric, cric. Une crique des Doritos, j'aime bien la crème épaisse. Un vendredi à mettre. Une clique des Doritos, j'aime bien la crème épaisse.